Seigneur Jésus. Hosanna, Hosanna, au Fils de David. Fais ton entrée dans cette assemblée. Hosanna, Hosanna, viens et règne. Hosanna, Hosanna, Hosanna, révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi, notre Dieu. Révèle-toi, notre Roi. Révèle-toi, mon cœur. Révèle-toi, mon frère. Révèle-toi dans cette assemblée. Nous sommes venus te rendre culte. Nous sommes venus pour toi, Seigneur. Nous n'avons point d'autre Dieu à qui irions-nous, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons compris, nous avons trouvé que c'est auprès de toi que réside le salut. Touche mon cœur. Touche-moi, Seigneur. Touche mon frère. Saint-Esprit, prends-nous en charge. Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, révèle Christ. Il est écrit, il me glorifiera. Saint-Esprit, glorifie Christ. Glorifie Jésus. Il a tout accompli. Révèle au cœur de quelqu'un que Jésus a tout accompli. Saint-Esprit, prends-nous en charge. Le Saint-Esprit, prends-nous en charge. Saint-Esprit, prends-nous en charge. Saint-Esprit, prends-nous en charge. Saint-Esprit, prends-nous en charge. Saint-Esprit, touche mon cœur. Saint-Esprit, touche mon cœur. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Dispose nos cœurs. Saint-Esprit. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Tu as inspiré la parole. Illumine l'esprit de nos cœurs. Illumine nos cœurs. Que ta lumière soit. Que ta lumière soit. Que la lumière de ta parole luise dans nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons trois textes ce matin. Apocalypse chapitre 3 versets 1 à 6, Jean 5 25, Éphésiens 5 14. Apocalypse chapitre 3. Nous sommes aujourd'hui le 2 septembre. Nous sommes en train d'aller à la fin de l'année de notre nouveau départ. Alléluia. Alléluia. Et ces trois mois qui sont devant nous à partir de maintenant, nous les dédions comme mois du débordement. C'est le mois de. Ce sont les mois de. Les trimestres du débordement. Tu peux dire à trois personnes, le pasteur dit que c'est le trimestre du débordement. C'est le débordement. Alléluia. Mais vous savez, nous ne savons déborder, nous ne pouvons déborder qu'avec ce qui remplit notre cœur. Un verre, pour déborder, doit être rempli. Il faut que nos coupes débordent. Mais pour déborder, nos coupes doivent être remplies. Une coupe vide ne déborde pas. Une coupe en moitié pleine ne déborde pas. Si ta coupe est en moitié pleine, elle ne va pas déborder. Mais il faut que tu expérimentes la plénitude afin qu'à partir de cette plénitude, il y ait débordement. Alléluia. Alléluia. Et la vie qui est en nous doit déborder pour affecter notre environnement, affecter notre propre vie, affecter notre propre corps, affecter notre famille, affecter nos voisins, affecter la ville de Goma, affecter notre pays. Si il y a de la vie en toi, il faut que cette vie soit rentabilisée dans la nation où Dieu t'a placé. Alléluia. Alléluia. Tu peux encore dire à un des voisins que c'est le trimestre du débordement. Alors, si vous avez trouvé les textes, nous lisons Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Alléluia. On y va. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. C'est lui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom dans le livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Jean chapitre 5, versets 20 et 21, et puis verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. La vie. Pour déborder et donner la vie, il faut en avoir. Le Fils donne la vie parce qu'il en a. Parce que le Père lui a donné la vie. Parce que le Père a chargé son cœur de la vie. Et il en donne. Notre thème à partir de ce matin, c'est le réveil spirituel et moi. Le réveil spirituel et moi. Le réveil spirituel et moi. Alléluia. Alléluia. Ce récit sur les sept églises de l'Asie, c'est un récit qui théologiquement est présenté comme une manifestation des dispensations de l'Église. Et pour certains commentateurs, cela peut être aussi compris comme la manifestation des aspects de la vie d'une Église. C'est-à-dire que dans une même Église ou dans l'Église d'une même saison, on peut observer ces différentes facettes. Il y a les sept églises que vous lisez à partir du chapitre 2. Alléluia. Alléluia. Et l'église de Sardes que nous venons de lire nous donne un choc dans le cœur. Le verset premier dit : Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Donc, tu as des œuvres. Il n'y a pas absence des œuvres. Mais ces œuvres que je connais, je sais que tu passes pour être vivant. Autrement, tu donnes l'impression d'être vivant. Tu passes pour être vivant. Quelqu'un qui passe pour signifie qu'il ne l'est pas. Signifie qu'il a l'apparence de ce qu'il passe pour. Tu passes pour être vivant, mais tu ne l'es pas. Il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu es mort. Plusieurs d'entre nous, nous passons pour être vivants, mais nous sommes morts. Dans l'apparence de notre chrétienté, les gens ont l'impression que nous sommes vivants, mais nous sommes morts. Quand tu mènes une vie d'apparence, tu es malheureux. Parce que toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Les démons savent que ce n'est pas vrai. Et Dieu sait que ce n'est pas vrai. Mais tu donnes une image pour tromper la vigilance. Ou alors, tu le fais parce qu'il faut que quelqu'un te voie, un responsable te voie. Un parent te voie et qu'il ait l'impression que tu marches. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. La réalité, c'est que cette chose qui est vraie en toi, c'est ça qui détermine qui tu es. Cette réalité intérieure, dans le fond de ta vie, dans le fond de ton cœur, c'est cela qui est déterminante. Le diable n'est jamais impressionné par l'apparence que nous présentons. Les fils de Sceva ont attaqué les démons et ils ont dit, nous vous chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Et les démons leur ont rétorqué, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus et vous qui êtes-vous? Autrement, dans le monde spirituel, les êtres spirituels, où les hommes spirituels ne s'arrêtent pas sur le physique, ne s'arrêtent pas sur ce qui est visible. Ils voient ce qui est réel. Même les sorciers qui sont avancés, ils ne te voient pas comme tu te présentes. Ils voient la réalité de ton cœur. C'est pourquoi tu peux sortir de l'église et puis les sorciers t'attaquent là-dehors. Ils voient que tu es vide en fait, il n'y a rien dedans. Nous pouvons porter le croisé ou la croisette ou le col pastoral et avoir l'impression d'être vivant. Nous pouvons avoir une grande Bible comme la mienne avec des grands caractères. Et quand nous marchons sur la rue, tout le monde dit « un pasteur est en train de passer ». La réalité, ce n'est pas l'apparence. Ce qui est important, ce n'est pas l'impression que nous faisons. Nous pouvons passer devant et prêcher la parole. L'important, ce n'est même pas cette prédication que nous faisons, et même celle que je fais ici. L'important, c'est qu'est-ce qui est dans mon cœur. Parce que vous mangez ce qui est dans mon cœur. Vous mangez pas ce que je dis. Ce qui vous bénit, ce n'est pas les paroles. Ce qui vous bénit, ce n'est pas ma veste. Ce n'est pas quoi que ce soit. Ce qui vous bénit, c'est la réalité de l'abondance de mon cœur. Et quand il n'y a pas abondance, vous sortirez vide. Chaque fois que les hommes sont même partis dans des prières, on est parti à la montagne des prières, on est parti dans la chambre de prière. Ce qui compte, ce n'est même pas ta présence là. Ce qui compte, c'est ton cœur qui va à la prière. Vous êtes nombreux ici, ce qui compte, ce n'est pas la plénitude de la salle, c'est la plénitude de vos cœurs. Regardez notre nation, on dit nous sommes 94% des chrétiens. Mais où est l'impact de ces 94% des chrétiens? Nous sommes où? Quel est l'effet de ces chrétiens sur la nation. Que de corruption, que de détournement, que de méchanceté, que de kidnap, que des choses bizarres. Où sont les chrétiens? Où sont les hommes et les femmes qui ont la vie? Où sommes-nous? Et le monde s'en va dans la mort. N'est-ce pas que tu te dis dans ton cœur? Où sont les serviteurs de Dieu à l'arche? Je suis malade, ça fait 6 mois. Je suis malade, ça fait 2 ans. Où est la vie que distillent les serviteurs? Ils nous cassent les oreilles avec la parole, c'est vrai. Mais où est la vie de la parole? Où est la vie dans ses serviteurs? Et s'il n'était que eux, on pourrait demander, et toi, où est Jésus dans ton cœur? Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire, n'est-ce pas? La présence de Christ en nous devait agir sur les problèmes qui sont dans nos corps. Mais où est l'effet de Jésus? À quoi ça sert d'avoir Jésus dans notre cœur? À quoi ça sert d'avoir Jésus dans une ville? J'aime quand vous lisez Actes chapitre 8, il est écrit que Philippe descendit en Samarie et il eut une grande joie dans cette ville parce qu'un monsieur qui a Jésus est rentré dans cette ville et la joie a saisi la ville. La parole de Dieu est venue. Les hommes de cette ville ont été touchés et bénis parce qu'il y a quelqu'un qui avait la vie en lui. Un simple diacre, il n'avait même pas été ordonné, même pas choisi par Jésus comme apôtre. Mais un simple diacre. Et une grande joie dans la ville. Où est la vie en nous? Où est l'impact de notre chrétienté? Dans nos entreprises. Dans nos parlements, dans nos ministères, dans nos gouvernorats, où est la vie des chrétiens? Est-ce qu'il y a des chrétiens dedans? Est-ce qu'il y a des chrétiens dans les gouvernements? Mais où est la vie? Où est l'impact du christianisme? Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui manque? C'est que les chrétiens ont eu à se contenter de l'apparence. Ils passent pour être des chrétiens. Ils passent pour être vivants. Il donne l'impression d'être chrétien. Il donne l'impression d'être vivant. Mais ils sont morts. Ils sont morts. La vie de Dieu en nous ne se cache pas, ne devrait pas se cacher. À un moment, Paul marche et son ombre guérit les malades. Il n'a pas prié le matin, Seigneur, aujourd'hui, quand je serai en train de marcher, que les malades guérissent avec mon ombre. Il n'a pas prié pour cela, mais la vie a débordé de lui. Pierre, les gens ont attrapé les choses qui ont touché son corps, les mouchoirs qui touchaient son corps, il est écrit. Et les gens étaient guéris. Et quand on prenait ces mouchoirs et on exposait aux démoniaques, et les démons sortaient des hommes par un mouchoir. Vous avez peur, démons, d'une étoffe, mouchoir, c'est étoffe, non? Ça n'a même pas de vie, c'est quelque chose. C'est sec. Mais parce que ça appartient à Pierre, la vie a débordé dedans. Alléluia. La vie. Bwana sifiwe. Le réveil spirituel est moi. Frère, réveille-toi. Il est écrit dans Éphésiens 5, 14. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Jusqu'à quand dormiras-tu? Jusqu'à quand resteras-tu dans le sommeil? Réveille-toi, toi qui dors. Tu peux le dire au voisin s'il dort. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque nous sommes réveillés, il y a des choses qui vont se passer. Quand j'ai fait la comparaison entre les chrétiens du temps de l'église primitive, il y a 2000 ans, et le nombre de chrétiens que nous avons aujourd'hui sur le globe, ce n'est pas comparable. Tu me diras, mais en fait aussi, il y a 2000 ans, il n'y avait pas 7 milliards d'hommes sur la terre, c'est vrai. Mais il y a plus de chrétiens aujourd'hui qu'au temps de Jésus, au temps des apôtres. Mais nous pouvons voir l'impact du temps des apôtres. Nous pouvons voir l'effet de l'Église. Nous pouvons voir comment ces apôtres ont permis que l'Évangile soit pérennisé jusqu'à aujourd'hui, au travers des vents et marées, des guerres et de toutes sortes de choses qui se sont produites dans l'histoire, mais l'Église a subsisté parce que cette Église avait la vie. On pouvait mettre Pierre dans la prison. On pouvait mettre les gens dans des choses difficiles, mais la vie qui était en eux triomphait de la mort. La vie qui était en eux assainissait même des environnements. La vie de Dieu en nous, frères, c'est tout ce que tu as besoin de chercher. La vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand je lis les Actes des apôtres, je suis ébloui par les expériences des apôtres. Quand vous lisez, par exemple, dans Actes chapitre 17, verset 6, où il nous est parlé de Paul à Thessalonique. Il est écrit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Les peuples s'écrient, les méchants, les serviteurs du diable s'écrient et ils disent, attention, les hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Archois et archoises, quelqu'un peut-il s'écrier dans cette ville que les gens qui bouleversent le monde sont assis dans cette salle? En sortant, est-ce qu'il y a des féticheurs, des sorciers, des méchants qui peuvent s'écrier pour dire la vallée de l'homme, la mort va sécher? Il y a les gens, les hommes qui bouleversent le monde sont en train de sortir de l'arche. Est-ce que quelque chose peut se passer parce que tu es chrétien? Où nos vies sont juste pâles, nos vies sont juste plates, nos vies sont, notre existence est juste un passage inerte, un voyage inutile, un séjour sur la terre, gaspillage. Une présence dans l'église inutile, une présence dans le monde qui ne sert à rien. À quoi sert Jésus en toi? Que fait Jésus dans ton cœur? Est-il dedans? La vie est-elle dedans? Y a-t-il quelque chose? Tu as besoin du réveil spirituel. Dis-le à ton voisin. Alléluia. Dans Actes 19, 26, 27, ces chefs des orfèvres qui fabriquaient des statues de la déesse Diane ou Artemis, par la présence de Paul, il s'écrie: Paul a persuadé et détourné une grande foule de notre déesse en disant que les dieux fabriqués par les mains des hommes ne sont pas des dieux. Maintenant il dit: cela risque de réduire à néant les temples de la grande déesse Artemis et dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. Qu'est-ce qu'il y a? La présence de Paul. Biashara inakufa. Notre industrie tombe en faillite. L'industrie de quoi? Des idoles. Il y a des industries qui doivent tomber en faillite à partir d'aujourd'hui parce que tu es là. Des industries du mal, des industries du péché, des industries de la prostitution, des industries de fétichisme, des industries de poison dans cette ville. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont remplis de vie. Et que parce que tu es voisin à un producteur de poison, le poison là ne marche plus. Même quand il donne ça aux gens, ça ne fait rien. Ça perd sa capacité. On commence à parler de poison spirituel maintenant. Mais bazo pesa karuo mukiro. Mais ce karuo, si ça doit passer au-dessus de ta maison, mais que ça meure. Et si ça t'atteint, quel effet ça aura sur celui qui est réveillé? Sur celui qui est rempli de la vie. Qu'est-ce que ces démons qui marchent dans nos cités, dans nos maisons? Qu'est-ce que ces sorciers qui voyagent sur le balai? Qu'est-ce que ces occultistes qui ravagent les vies? S'il y a des hommes et des femmes remplis de Dieu, n'est-ce pas Dieu qui est dans notre cœur? N'est-ce pas Dieu qui est venu dans notre vie? N'est-ce pas Jésus-Christ? C'est lui dont il est écrit, toute chose a été faite par lui et pour lui. N'est-ce pas c'est Christ qui est monté à Golgotha et qui a eu l'audace de dire, tout est accompli. N'est-ce pas c'est lui qui a dépouillé les dominations, les autorités et il les a livrées en spectacle. Il a triomphé de par là. N'est-ce pas lui? Avons-nous un autre Jésus? N'est-ce pas le Jésus de la Bible? Qu'est-ce qui nous arrive, frères? Nous sommes dans quelle chrétienté? Nous sommes dans quelle église? Est-ce toujours l'église de Jésus-Christ? Il a dit, je bâtirai mon église. Ni la mort, ni le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je vous ai expliqué la fois passée. Il voulait dire, je bâtirai mon église de telle manière que ni la mort, ni le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. As-tu bâti cette église? A-t-il bâti cette église? M'a-t-il bâti? A-t-il travaillé aussi sur moi? Suis-je concerné? Et qu'est-ce qu'il met dans cet homme qu'il bâtit? On nous a parlé dans la COGEC sur le divin potier qui travaille sur nous. A-t-il travaillé sur toi? Est-ce qu'il a agi aussi en toi? Les dieux qui ont bouleversé le monde, les hommes qui ont bouleversé le monde, et notre déesse, sa majesté, de celle de toute l'Asie, du monde entier, va être dépouillée. Cette déesse qui est vénérée dans toute l'Asie va être dépouillé. Qu'est-ce qui est vénéré dans ta famille? Qu'est-ce qui est vénéré dans ta progéniture? Qu'est-ce qui est vénéré dans la ville de Goma? Qu'est-ce qui est vénéré? Y a-t-il des chrétiens qui peuvent exister dans Goma afin que la vénération du mal, la vénération de Satan même, on a vu dans des images des gens qui prétendent maintenant établir une statue de Satan quelque part, dans un pays quelque part. Vous avez vu ces choses-là? On va commencer à prier Satan officiellement. Mawa. Jésus peut-il être vénéré, frères et sœurs? Et on a placé des lois drôles dans nos pays, laïcité. S'il est vrai que ces statistiques sont vraies, qu'il y a autant de chrétiens au Congo, devrions-nous parler d'un pays laïque? Quelles sont les bases pour établir que le pays est laïque? Au moins les autres, eux, ils sont conscients, ils sont responsables avec leur Dieu. Dès qu'ils constatent qu'ils ont atteint un certain pourcentage, ils déclarent la charia. Et ça marche pour eux. Et nous, les chrétiens, nous déclarons quoi? Qu'est-ce que nous déclarons, nous? Qu'avons-nous? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nous pouvons ne pas avoir une forme de charia, mais s'il y a le réveil dans notre cœur, les choses seront différentes. Alléluia. Permettez-moi de comprendre avec vous rapidement ces quelques concepts de notre thème. Dans Actes 19, versets 9 et 10, Paul enseigna quelque part chaque jour à l'école de Tyrannus. Durant 2 ans, il est écrit que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Waouh! Avons-nous les mêmes potentiels? Et notre potentiel, c'est une église compliqué. Un peu comme la statue de Nebuchadnezzar. Il y a tout là-dedans. On est l'église, mais en même temps le péché, en même temps la corruption, en même temps l'impudicité. En même temps, tu es chrétien et tu le prétends. Tu as cette apparence-là, mais en même temps, la masturbation, en même temps, l'infidélité avec ta femme, en même temps, qu'est-ce que c'est que l'église aujourd'hui? Le réveil est compris comme, en hébreu, chaya, qui veut dire ramener à la vie. Ramener à la vie. Cela veut dire aussi restaurer à la condition première. Ça veut dire également redonner une vie nouvelle à ce qui est mort. Cela veut dire aussi ranimer le potentiel éteint. Et enfin, cela veut dire aussi remettre au fonctionnement quelque chose qui ne fonctionne plus. Vous savez, depuis le commencement de l'Église, la vie était dedans. Le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis de la vie par le Saint-Esprit. Le réveil consiste à remettre au fonctionnement ce qui était. Le réveil consiste à ramener à la vie ce qui est mort. Le réveil consiste à redonner une vie a restauré à la condition première. Qu'est-ce que c'était l'Église au commencement? Est-ce que l'Église peut retourner à la condition première? Je vois encore ces pierres qui avancent et rencontrent les paralytiques à la porte de la belle dans Actes chapitre 3. Et il les regarde et lui dit, regardez-nous. Et monsieur le paralytique le regarde. Ensuite, il lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que tu as? Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible dit, le tenant la main, il le leva. C'est-à-dire, cet homme risque de traîner. Il risque de traîner par terre. Je booste sa foi. Je booste, je le communique la vie. Il le tenant la main et le souleva. Je crois que ses pieds ont fait crac, crac. Et l'homme a senti que c'est parti. Qu'est-ce qui vient de se produire? La vie de Dieu vient de pénétrer dans ce corps compliqué. Il est écrit, il entra avec eux dans le temple, sautant, loua Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré la vie. Il a rencontré quelqu'un en qui la vie a été restaurée. Pierre, qui se leva un jour et commença à prêcher, 3000 âmes se convertissent ce jour-là. À une autre occasion, 5000 âmes se convertissent. Qu'est-ce que tu as fait, Pierre? J'ai juste débordé, j'ai juste libéré, j'ai juste laissé la vie couler dans l'assemblée, dans l'auditoire. Et les hommes et les femmes se sont convertis. Quel baptême! Nous faisons des petits baptêmes ici de 30 personnes, 80 personnes là. Ce jour-là, quand il y avait la vie, 3000 âmes, ils furent tous baptisés. Hey! Baptisés. Ils ont reçu quoi? La vie. La vie. Es-tu candidat à la vie? Oui. Nous sommes tous candidats. Nous sommes tous candidats à la vie par Jésus-Christ. Le réveil spirituel, c'est donc ce retour à la vie. C'est donc cette restauration de la vie, frères, sœurs. Et tu as besoin de retourner à ton état de fonctionnement. Tu ne fonctionnes plus. Tu ne fonctionnes plus. Réveille-toi. Retourne au fonctionnement. Refonctionne. Refonctionne. Seigneur, ramène-moi à la vie. Ramène l'Église à la vraie vie. Ramène mon cœur à la vie, Seigneur. J'ai longtemps marché dans le noir, les ténèbres. Le réveil est aussi compris comme revivre ou ressusciter. Réveiller a aussi un sens de bénir. Bénir. En hébreu, bénir, qui veut dire barak. Bénédiction baraka. Qui veut dire communiquer la vie. Bénir signifie communiquer la vie. Cela veut dire aussi revêtir de force pour réussir. Ou dotation de force. Ou dotation de puissance pour réussir. Quand je dis je te bénis, je suis en train de te doter de force pour réussir. Cela veut dire également élever. Cela voudrait dire aussi libérer le pouvoir qui élève. Quand je te bénis et je dis soyez bénis, je suis en train de transmettre en vous le pouvoir qui élève. Quand je te maudis, je suis en train de décharger sur toi le pouvoir qui abaisse. Un homme maudit, c'est un homme où il est abaissé, où rien ne monte, rien n'avance, rien ne marche. C'est un potentiel qui vient s'asseoir dans ton existence. Et il y a des parents qui maudissent leurs enfants. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te baraque ce matin. Alléluia. Alléluia. Vous savez, depuis le commencement, Dieu n'avait jamais prévu qu'il allait maudire l'homme. Tout ce que Dieu essaye de faire, c'est de bénir l'homme. Alléluia. Or, bénir signifie communiquer la vie. La question, c'est de quelle vie il s'agit. C'est là le troisième concept, la vie. Comme on parle vie, vie, vie, la vie, c'est quoi? Il s'agit de la vie de Dieu, frères et sœurs. La vie de Dieu, en grec zoé, qui veut dire la vie dont Dieu vit. La vie dont Dieu vit. Uzima ambayo Mungu anaishi nayo. La vie qui est en Dieu. Au commencement, dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est dit, « Et Dieu souffla dans ses narines lorsqu'il créait l'homme, et cet homme devint un être vivant. » J'imagine que ces mottes de terre à la forme humaine n'avaient pas des dents, des intestins, n'avaient pas des dents de foie, ni des pancréas, des reins. Je ne sais pas s'il y avait la colonne vertébrale, est-ce qu'il y avait les os, est-ce qu'il y avait des veines. Mais dès l'instant où Dieu, le Créateur, Yahweh, souffla, il souffla dans ses narines. Cette chose couchée là, sur le sol, cette chose devint un être vivant. Cette chose devint Adam. J'imagine cette chose qui s'élève et les yeux sont là. Ça commence à bouger et à tourner des dents. La langue commence à bouger, à tourner des dents et attendre de manger et que quelque chose aille dans l'estomac. Est-ce que l'estomac était là dedans? La puissance et la vie de Dieu créent. La vie de Dieu est créatrice. Lorsque Dieu communiqua cette vie dans l'homme, dans la terre, cette terre devait un être vivant. Mais quand la chute arriva, cette chose se gâcha. Et la vie, la Zoé, qui était dedans, partit. Adam alla se cacher. Et Dieu leur avait dit, si vous mangez de cet arbre, vous mourrez. Effectivement, la mort, c'est la perte de cette Zoé. La perte de cette vie de Dieu. C'est pourquoi les hommes sans Christ, ils sont appelés morts. Ils sont aussi appelés homme-animal comme les animaux, parce que la Zoé n'est pas dedans. La vie dont Dieu vit n'est pas dedans. Et Jésus vint pour restaurer cette vie. L'objectif de Christ étant venu sur la terre, c'était pour restituer, pour remettre cette Zoé dans l'homme, afin qu'il redevienne un être vivant de la vie de Dieu. Frères et sœurs, tu peux obtenir cette vie si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. La vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Demande un peu au voisin, est-ce que la vie est dedans? Est-ce que Zoé est dedans? Demande-lui correctement. Avant la chute, Adam ne pouvait pas tomber malade parce que la vie de Dieu était dedans. Mais après la chute, les malheurs ont commencé. Même dans l'environnement, la vie qui était en Adam faisait qu'il n'y avait pas d'épines. Lorsque cette vie s'est volatilisée, les épines ont commencé à pousser. Et je crois même les déserts ont commencé à partir de ce moment-là. Parce qu'avant cela, la terre était bien couverte. Mais quand la vie part, même l'environnement en souffre et en subit la conséquence. Quand la vie part de toi, même ta famille va en souffrir. Tu vas commencer à déraisonner. Un peu comme certains. À cause de la perte de la vie, ils estiment qu'avant de rentrer à la maison, il faut passer à la vallée de l'ombre de la mort. Tu es où, chérie? Je suis quelque part. Je te dirai quand j'arrive à la maison. Tu es où, chérie? Après 3 heures, il est 23 heures. Non, j'arrive, chérie. Et pauvre chérie revient le soir à 1 heure du matin. Tu étais où? Et il sent, comme vous le savez. Il essaie de s'asseoir sur le lit, c'est... Et le lendemain matin, on se lave vite pour aller à l'église. Tu étais où? À la vallée de l'ombre de la mort. Où est le salaire? Je crois que les amis qui étaient avec moi m'ont volé ça. Quel est ton problème? Tu manques la vie. Tu manques le réveil. Reviens à Dieu. Reviens aux sources de la vie. Si tu traînes là-bas, Dieu dit à l'église de Sardes, si tu ne fais pas attention, je viendrai sans que tu le saches. Je vais venir enlever ton souffle là, sans que tu le saches. Si tu ne comprends pas, les conséquences sont néfastes, non pas seulement en toi-même. Le foie parti avec l'alcool. Les organes bousillés avec la maladie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je faisais l'apparence d'être vivant, mais j'étais mort. Et comment se manifestait cette apparence? J'étais chaque dimanche matin à l'heure à l'église Arche. Et quoi d'autre? J'allais aussi à l'ombre de l'Éternel. Et quoi d'autre? J'avais une grosse Bible comme celle du pasteur Eston. Quelles étaient tes apparences? J'allais au séminaire quand il y avait COGEC, c'est moi qui ai donné les billets pour l'orateur. D'ailleurs, je l'ai bien logé. L'apparence de la vie, mais dedans, la mort. La mort. Mes frères, mes sœurs, recherchons le réveil de notre cœur. Recherchons la vie. Cette vie qui était à mesure de guérir toute une ville. Dans 2 Rois chapitre 2 verset 19, les anciens de la ville vinrent voir Élisée et lui dire, Élisée, la ville elle est bonne comme tu la vois. Mais il y a un problème. L'eau est mauvaise. N'avons-nous pas toujours dit que l'eau, c'est la vie? L'eau est mauvaise. Et ça crée la stérilité. Les gens sont malades. Les gens sont souffrants parce que l'eau est mauvaise. L'eau, c'est l'image du cœur d'une ville. Regardez une ville sans eau. À quoi elle ressemble? L'eau n'est pas là, l'eau est mauvaise, l'eau est contaminée, l'eau est mauvaise. Les gens vont tomber malades. Lorsque ton cœur est malade, lorsque ton cœur est contaminé, ton corps va en subir. Tes enfants vont en subir. Tes voisins, même tes collègues, même les membres de ton église vont en subir. Demande à ton voisin, es-tu malade? Ton cœur est-il malade? Lève-nous un instant, on va prier, s'il vous plaît.